Le tablier. Le barista. L'infusion. L'eau de coco. Le grain de café. Le moulin à café. L'espresso. La machine à expresso. Le café filtre. La cafetière à piston. La toque. Je goûte. Le café au lait. La tasse à emporter. Le sachet de thé. La boule à thé. La feuille de thé. Une tasse de café. Un café noir. Un café décaféiné. Une tasse. Le café soluble. Un café bien chaud. Prends-tu du sucre? Veux-tu du lait? J'aime beaucoup ta tasse. Comment ça va? As-tu passé un bon week-end? C'était pas mal. Merci. Bravo pour ta promotion. Tu connais la nouvelle? Tu t'es bien amusé à la fête?